L'exposition des timbres coréens consacrée aux 70 ans de l'université Kim Il-sung est ouverte le 21 courant à l'université Kim Il-sung. Dans le salon est exposée la photo du timbre représentant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y étaient également exhibés les timbres montrant l'histoire révolutionnaire du président qui a libéré le pays au bout de la lutte sanglante anti-japonaise et qui a conduit à la victoire, l'édification d'une Corée nouvelle démocratique, la guerre de libération de la patrie et l'édification socialiste. Il y a aussi les timbres représentant les bienfaits du président accordés pour le développement de l'université Kim Il-sung après l'avoir fondée en personne, et ce, sur la vie et les exploits révolutionnaires du général Kim Jong-il, qui a transformé notre pays en puissance politique, idéologique, militaire invincible. On peut voir aussi les timbres sur la brillante réalité de notre patrie opérant des prodiges séculaires dans l'édification d'une puissance socialiste et la lutte héroïque de nos militaires et civils qui ont créé les miracles et mérites dans la défense de la patrie et l'édification du socialisme. Les philatélistes de Pyongyang y ont également présenté leurs timbres aux sujets variés.